Et maintenant, reprenons un peu ce que nous avions vu avant. Comment dira-t-on « Pouvez-vous faire une réservation pour moi ?» Puede hacer. D'accord. Puede hacer. Una reserva. Una reserva. Una reserva. Reserva. Hein, très bien. Una reserva pour moi. Para mí. C'est ça. Puede hacer una reserva para mí. Et vous pouvez ajouter à votre demande, s'il vous plaît. Donc, pouvez-vous faire une réservation pour moi, s'il vous plaît? Puede hacer una reserva para mí, s'il vous plaît? Je ne m'en souviens plus. S'il vous plaît, vous demandez une faveur. Ah oui. Faveur, por favor? Por favor. C'est ça. Por favor. Hein? Par faveur, de grâce, hein? S'il vous plaît. Hein? Por favor. Comment direz-vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas faire une réservation? Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas? No puede. Non. Et maintenant la syllabe accentuée. Puede. Bien. Pourquoi no puede faire une réservation? Hacer una res. Una reserva? C'est ça. ¿Por qué no puede hacer una reserva? Et pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? ¿Por qué no puede hacerlo? Parfait. Hein? ¿Por qué no puede hacerlo?